Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la révolution des œillets au Portugal à l'occasion du 40e anniversaire de son déclenchement et alors que sort en kiosque un numéro spécial des collections du journal L'Histoire titré « Portugal, l'Empire oublié ». Après avoir écouté hier le témoignage très riche et nuancé du grand homme de théâtre portugais qu'est Luís Miguel Sintra sur le théâtre au Portugal dans les années 60 et 70, juste avant cette révolution des œillets, et avant demain de nous promener dans le Lisbonne de la résistance à la dictature salazariste, et jeudi d'entendre le témoignage exclusif de l'ancien Premier ministre et président portugais Mário Soares, recueilli il y a quelques semaines de cela à Lisbonne par Elsa Cornevin, Anne Fleury et Georges Thau. Nous vous proposons ce matin le récit même dans le documentaire, le récit même de cette révolution des œillets, telle que sept capitaines qui l'ont faite et un journaliste qui l'a suivi l'ont vécu. Jusqu'à 10h, Elsa Cornevin et Anne Fleury nous proposent donc un voyage au cœur d'une révolution en train de se faire avec les décisions que devaient prendre justement à ce moment-là les capitaines d'avril, les fameux capitaines d'avril, mais aussi les doutes qui ont pu les saisir à l'époque. Et sachez que demain et après-demain, sur les docks, sur France Culture, eh bien deux autres documentaires vous parleront du Portugal, le Portugal de l'époque, mais également le Portugal d'aujourd'hui. À l'aube du 25 avril, le mouvement des forces armées portugaises, au cours d'une action conjointe, a pris le contrôle de la situation politique dans l'ensemble du pays, après avoir occupé plusieurs points stratégiques, et notamment les ministères, les stations de radiodiffusion et de télédiffusion, les aéroports et les frontières. Le mouvement qui est en train d'accomplir avec succès la plus importante des missions civiques de ces dernières années proclame à la nation son objectif de la libérer d'un régime qui l'opprime depuis de nombreuses années et de mener à bien jusqu'à sa complète réalisation un programme de salut national et de restitution des libertés civiques. Le mouvement demande à la population de rester calme et de ne pas quitter son domicile. Le 25 avril 1974, des capitaines appartenant au mouvement des forces armées renversent le pouvoir en place et mettent fin à 48 ans de dictature au Portugal. L'opération a été minutieusement préparée. Le peuple descend dans la rue et soutient les militaires au fur et à mesure de leurs opérations. En 24 heures, les places fortes de la dictature tombent une à une. Les œillets rouges sont de saison chez les fleuristes du centre-ville. Ils se passent de main en main et deviennent le symbole de la révolution, le symbole de la liberté. Le coup d'état militaire au Portugal prend de surprise le monde entier. Marcelo Caetano, le successeur du dictateur Salazar depuis 1968, est arrêté et contraint à l'exil. Baptisés capitaines d'avril, les capitaines du mouvement des forces armées entrent dans l'histoire. Alors que le Portugal célèbre cette année le 40e anniversaire de la révolution des œillets, nous avons rencontré sept des capitaines dont le rôle a été déterminant pour conduire le mouvement du 25 avril. Ils se nomment Otelo Saraiva de Carvalho, José Manuel Costa Neves, Manuel Martins Guerrero, José Pitera Santos, Carlos Machado Santos, Aprigio Ramalho et Carlos Beato. Leurs paroles se croisent pour mieux raconter l'aube où les Portugais sont sortis de la nuit et du silence. Portugal, avril 1974, voyage au cœur d'une révolution. 13 ans de guerre. Nós estávamos fartos de 13 années de guerre. Conviver com mortes, nous en avions assez de cohabiter avec des morts, de cohabiter miséria, avec la misère, de cohabiter avec l'hypocrisie du régime politique. Essa experiência em combate, cette expérience du combat, cette lassitude de la mort, ce dégoût de tout ce qui allait à l'encontre de la vie, a beaucoup contribué à ce que nous cherchions à préserver le plus possible les vies humaines. Nous voulions changer le régime, mais notre intention n'était pas de tuer. Je suis rentré à l'armée comme bien d'autres, certains pour des raisons économiques, d'autres par vocation ou pour une question de promotion sociale. Car dans la société portugaise, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'évolution possible et une façon d'avancer dans la vie, c'était de faire carrière dans l'armée. En ce qui me concerne, je dirais que je ressentais une certaine vocation et que j'avais peut-être aussi déjà l'idée que l'institution militaire pouvait contribuer à un éventuel changement de régime. J'ai fait toute ma carrière au sein des forces armées. J'étais particulièrement privilégié parce qu'en plus d'être à l'armée de l'air, j'étais ingénieur en aéronautique. Mon père était contre le régime. Et quand je suis rentré dans l'armée, j'étais déjà quelqu'un de contestataire. Mais heureusement, cela ne m'a jamais porté tort. Je vous dis cela parce que, contrairement à ce qu'on pense, les forces armées étaient certainement, à l'époque, un des endroits où il y avait le plus de liberté d'expression. Et la police politique, par exemple, avait du mal à pénétrer au sein des forces armées. Le Portugal, d'une façon générale, était un pays pauvre, un pays où il y avait énormément de difficultés. On manquait d'infrastructures de base. Je ne vous parle même pas de routes ou d'autoroutes, mais tout simplement de chemins, de voiries très sommaires. L'assainissement de base n'existait pas. L'analphabétisme atteignait des taux impensables. Il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée, de très nombreuses maladies et un manque d'assistance médicale. La pauvreté était généralisée. Je me souviens même de certains de mes camarades qui n'avaient pas de chaussures au plus fort de l'hiver, qui n'avaient pas de vêtements à se mettre. Tout cela pour vous dire que le 25 avril a été fait avec le cœur et pas seulement avec la raison. Et c'est ce mélange de cœur et de raison qui nous a permis d'avoir le succès que nous avons connu, nous et le peuple portugais. À l'époque où je suis entré à l'école navale, années 60, j'avais pris déjà conscience que c'était un régime totalitaire et despotique, où il n'y avait pas de liberté. Je suis entré à l'escadrille des sous-marins. On était en train d'acquérir 4 sous-marins tout neufs en France. C'est pourquoi j'ai eu la chance d'aller en France plusieurs fois. J'ai profité pour accéder à la littérature qui était interdite au Portugal, voir des spectacles de théâtre, de Brecht et tout cela. N'avait pas l'opportunité de voir ici. Disons que j'ai pris un certain profil de gauche, mais pas bien structuré, puisque je lisais tout, depuis les œuvres choisies de Lénine jusqu'au livre rouge du Mao Tse-Tung, les écrits de Che Guevara et tout cela, qu'il y avait partout en France. Je les ai importés au Portugal. J'ai discuté avec des amis et des camarades à moi. Et d'ailleurs, par deux fois, j'ai eu l'occasion de faire entrer au Portugal aussi de la propagande politique, des groupes d'amis que j'avais à Paris. Ils étaient surtout des anarchistes, mais j'ai apporté aussi des feuilles de divulgation du Parti communiste. Ils m'ont fait arriver pas mal de volumes à Nantes. Et le sous-marin rentrait dans quelques jours. J'avais pleine confiance à mon maître Torpillière et deux des matelots. Et je leur ai posé la question, il faut qu'on apporte 9 ou 10 caisses de carton là-bas au Portugal. On va vidanger un tube, un storpie, et mettre tout cela dedans. Et après, on se débrouillera au Portugal. Quand j'étais en France, j'étais en train de revenir au Portugal. Je disais toujours bien, je retourne au noir et blanc, au gris, disons. Une vie grise qu'on menait là. La presse était la voix de son maître. La télévision, c'était quelque chose d'affreux, une seule chaîne, sans aucun intérêt. La musique était soit triste, soit la musique la plus gaie, c'était il n'avait pas de qualité. Le Portugal était un pays où avait une façon de vivre très conformée, très triste. Même les gens, la petite bourgeoisie, ne s'apercevaient pas de... On savait qu'il y avait des prisonniers politiques, mais où? Qui? Comment est-ce que la police politique se comporte? La police politique, essa sim instilava medo em tudo. La police politique répandait la peur sur tous les mouvements de nature politique ou contestataire. Eles, de facto, tinham uma rede de repressão muito forte e tinham uma rede de informadores. Il y avait une répression très forte qui reposait notamment sur un vaste réseau d'informateurs. On avait l'impression qu'ils étaient partout et qu'ils savaient tout. Et de fait, pendant plusieurs décennies, ils ont réussi à contrôler la société en utilisant des procédés d'intimidation, de prison, de répression, de torture, qui provoquaient un sentiment de peur et d'autocensure chez les gens. À l'époque, à l'école navale, il y avait un mouvement auquel j'ai participé, relativement fort, de catholiques progressistes qui s'appelait Mouvement pour un monde meilleur. Il existait là clairement des idées de fraternité, d'égalité, d'entraide aux personnes et aux citoyens qui nous permettaient de prendre conscience des problèmes de la société. Lorsque j'ai terminé l'école navale en 1962, je me suis porté volontaire pour partir sur une frégate en Guinée portugaise, afin de mieux comprendre ce qu'était l'Empire portugais, ce qu'étaient les colonies portugaises. L'idéologie nationaliste nous inculquait que le Portugal était un pays pluricontinental et multiracial. Ce qui, de prime abord, pour un jeune, est une idée très intéressante. Le mélange des peuples, des ethnies, etc. Foi rápido para nós o entendimento que o regime em Portugal era de facto um regime ditador. Mais bon, nous avons très vite compris que le régime au Portugal était une dictature. Il n'était en rien un régime ami des peuples africains. Le rapport qui existait entre le Portugal et les territoires dits provinces d'outre-mer était un rapport de domination de la métropole sur les colonies. Bem-vindo, checa, para esta guerra que cá te espera. Não estejas triste, que a guerra é linda, só fazes cera. Vais ter saudades de mulheres brancas, ai que tormento. Aqui há pretas, mas tem cuidado com os teus lamentos. Il s'agissait d'un régime d'oppression politique qui était par ailleurs isolé sur la scène internationale, notamment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'installation de démocratie en Europe, après la chute des régimes d'Hitler et de Mussolini. Le pays vivait en quasi-autarcie, fermé sur lui-même. C'était le vieux slogan de Salazar, « Nous sommes fiers d'être seuls ». Et la politique coloniale du régime était particulièrement à contre-courant par rapport aux autres pays. À partir de la conférence de Bandung en 1954, 1955, les pays du tiers-monde, ainsi les appelait-on, commencent à se battre pour leur autonomie et leur indépendance. Et le Portugal n'a pas pu échapper au sens de l'histoire. À cette époque, le Portugal est donc un pays gris. Personne n'attribue d'importance au Portugal dans le monde occidental. Le pays est considéré comme une arrière-cour de l'Espagne et reste oublié, je dirais, sous cette grisaille, jusqu'à ce que survienne la guerre coloniale. Et la guerre coloniale surgit en réponse à l'avènement de mouvements de libération dans les colonies, en Guinée, en Angola et au Mozambique. La guerre est déclarée en février 1961. Et lorsque Salazar déclare « en route vers l'Angola rapidement et en force », les premières troupes sont envoyées là-bas pour mettre fin rapidement et en force à cette guerre qui durera 13 ans. En avril 1974, la plupart des capitaines de ma promotion de l'Académie militaire avaient déjà eu au moins deux détachements en Afrique dans le cadre de la guerre coloniale. Nous avions donc déjà une expérience militaire sérieuse en théâtre de guerre et une expérience également en ce qui concerne les contradictions du régime. La farce, le mensonge et l'incongruité de la propagande que le régime nous servait. La nation multicontinentale, multiraciale, tous frères, tous égaux et tous fils de la patrie. Alors que la réalité à laquelle nous étions confrontés dans les colonies était bien différente. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Ça sert à quoi? Dans l'intérêt de qui? Quelle est la raison d'être de cette guerre? Este sentimento de contra o regime. Ce sentiment contre le régime a fini par se répandre largement au sein de l'armée. Parce qu'il y avait une très grande mobilité chez les militaires. Nous étions constamment en rotation. Nous partions en Afrique, nous rentrions d'Afrique, nous changions de caserne très fréquemment. Et face à la réalité politique que nous vivions, nous nous encourageions dans l'idée qu'il devenait nécessaire d'agir pour changer les choses. Et c'est une idée qui a fait son chemin avec le temps, mais il nous manquait de fait une raison, un véritable motif qui fasse en sorte que les volontés individuelles convergent et aillent dans le sens de l'organisation d'un mouvement. Lá na picada pisam-na os guerrilheiros. O coração do soldado pisam-no os coronéis e ajudam os machambeiros. O coração do soldado pisam-no os coronéis e ajudam os machambeiros. Ce motif, c'est le gouvernement de Marcelo Caetano qui va l'ordonner. Face à la pénurie de capitaines pour mener les guerres coloniales en Afrique, le gouvernement publie en 1973 des décrets qui permettent à des civils ayant déjà fait leur service d'intégrer officiellement l'armée sans formation spécifique. Les militaires du cadre permanent manifestent leur colère contre cette politique de recrutement et se retrouvent autour de revendications corporatistes. Pour les militaires, ce problème de carrière sert de déclic. Et en quelques mois, ces réunions prennent une tournure politique. Rapidement, Otelo Saraiva de Carvalho prend des initiatives pour conduire ce mouvement. À partir de là, nous prenons contact avec des camarades de la marine et de l'armée de l'air et notre mouvement prend de l'ampleur. Nous estimons également qu'il est important de compter sur l'appui de généraux. Car si nous renversons le régime, il faut que nous ayons immédiatement une reconnaissance sur la scène internationale. Il ne faudrait pas que la révolution soit associée à des petits jeunes qui veulent le pouvoir. Il nous faut des généraux. En janvier, de retour de Guinée, le général Spinola est nommé aux fonctions de vice-chef de l'état-major des forces armées. Nous lui avons demandé une audience et nous lui avons annoncé qu'il avait été choisi par notre mouvement pour diriger le pays une fois que le régime serait renversé. Car telle était bien notre intention. Il nous a appuyés dans ce sens. Et acontece que, ainda no mês de fevereiro, 22 de fevereiro de 74, et le 22 février 74, le général Spinola publie un livre, Le Portugal et le futur, qui est décisif dans tout ce processus. Un immense succès. L'opposition au Portugal s'empare du livre comme d'une Bible. Pour la première fois, il y a là un général du régime jouissant d'un très grand prestige qui publie une thèse radicalement opposée à la perspective coloniale du régime selon laquelle la guerre doit se poursuivre jusqu'à la victoire militaire. Et Spinola était résolument de l'avis contraire, tout comme nous. Après notre expérience de la guerre coloniale, nous avions clairement compris que le problème de la guerre ne pourrait se régler que par la voie politique. La poursuite de la guerre ne mènerait nulle part. Et notre stratégie tinha sido bocado esta. É importante enfraquecer o aparelho. Et notre stratégie consistait à affaiblir l'appareil de répression militaire de l'intérieur pour éviter d'alimenter un régime politique qui voulait préserver la guerre. Pour nous, il était essentiel, au-delà de l'action militaire, que notre mouvement ait un programme politique, car une action militaire pouvait conduire à ce qu'on remplace les dirigeants actuels par d'autres qui aient également des idées de droite. Nous voulions donc un programme qui définisse précisément un nouveau régime politique, prévoyant notamment l'organisation d'élections au Portugal, pour que le peuple puisse enfin élire ses représentants. Nous avons donc décidé de donner une dimension politique au mouvement. O Major Melo Antunes, em fevereiro de 74, é encarregado por nós, em reunião. Et le Major Melo Antunes, en février 1974, est chargé lors d'une réunion d'élaborer un document qui définisse la philosophie politique du mouvement des officiers des forces armées. Il le fait. Et en mars, le 5 mars 1974, ce document est lu lors d'une séance plénière à Cascais à laquelle participent 196 officiers. Réalisé en Cascais. Ce document est notable. C'est un document remarquable, intitulé « Un mouvement, les forces armées et la nation », qui contient une notion fondamentale, celle du droit des peuples à leur autodétermination, avec toutes les conséquences que cela puisse impliquer, y compris l'indépendance de ces pays. Le projet politique du mouvement des forces armées contenait des idées fondamentales. D'abord, mettre en place la démocratie au Portugal. La liberté et la démocratie, au travers d'élections, car nous militaires, nous ne cherchions pas à nous arroger le pouvoir. Ensuite, la décolonisation, mettre fin à la guerre coloniale, évidemment, et procéder à la décolonisation. Démocratisation, décolonisation et développement. C'est le troisième D du programme. Le pays était très en retard sur le plan économique. Bien sûr, sur cette question, il ne nous revenait pas, nous militaires, de procéder au développement économique. Mais nous souhaitions donner les conditions politiques pour permettre le développement de notre pays. Nous nous étions dit que, quelle que soit l'issue de l'action militaire, nous ferions en sorte que ce programme politique puisse être rendu public. Car nous ne savions pas si l'action allait être victorieuse. Il y avait déjà eu une tentative, le 16 mars 1974, le mouvement de Caldas da Rainha, et cette action militaire avait échoué. Il n'y avait pas eu suffisamment d'organisation ni de préparation. Mais en même temps, cette expérience a été utile à Othello, qui avait participé à cette tentative, pour préparer sérieusement notre action militaire. Le 16 mars, la caserne de Caldas da Rainha est encerclée par les forces militaires du régime. Et tous les militaires qui ont participé à ce coup sont arrêtés. C'est une catastrophe. Et je me suis dit, bon, maintenant nous avons des camarades du mouvement qui sont détenus, ils vont être interrogés par la police politique, je ne sais pas ce qui va se passer. Certains risquent de parler et tout va s'effondrer par la base. Une semaine plus tard, le 24 mars, nous avons réuni à Oirache 21 camarades. J'ai ouvert la séance avec Vitor Alves en expliquant ce qu'avait été le 16 mars et ma participation. Nous avons en ce moment des camarades qui sont détenus. Notre mouvement est en train de se défaire. Il y a des camarades qui ont été transférés. Vasco Lorenzo est aux Açores. Donc, je voudrais assumer devant vous la responsabilité d'engager une action militaire qui renverse ce régime une fois pour toutes. Il faut que nous établissions un ordre d'opération qui permette la distribution de missions à toutes les unités. À toutes les casernes où se trouvent des camarades du mouvement, des capitaines, des majors, des personnes du mouvement qui prennent la responsabilité à un jour et à une heure donnée de sortir des casernes pour conquérir des objectifs. Certains camarades me demandent, mais nous n'avons personne de l'état-major. Il faut que nous ayons quelqu'un de l'état-major pour déterminer l'ordre des opérations. Eh bien, je vais m'en charger. Je vais chercher des bouquins d'état-major. Je vais étudier comment s'établit un ordre d'opération. J'assume cette responsabilité. Bon, très bien. Mais, major, quand est-ce que vous envisagez de lancer l'opération ? Il faut fatalement que ce soit au plus tard, au cours de la dernière semaine d'avril. Pourquoi ? Parce que sinon, nous nous approchons de la date du 1er mai. Or, la PIDE, la police politique, en ce moment, est en train de coincer les communistes, les opposants d'extrême-gauche, ceux du MRPP qui font des graffitis sur les murs de Lisbonne. Ils sont envoyés dans les prisons de Caxias et de Peniche. Donc, la PIDE est occupée. Mais une fois leur mission achevée, après le 1er mai et cette date dangereuse qui est le jour international des travailleurs, la PIDE va commencer à s'intéresser de près à nos camarades détenus. Et pour nous, cela signifie la fin de notre mouvement. On ne peut pas courir ce risque. Donc, il faut absolument qu'entre le 22 et le 26 avril au plus tard, nous lancions notre action. Et puis j'ai ajouté, nous devons maintenant rentrer dans nos unités. Plus de conversation, plus de communiqués, plus le moindre coup de téléphone pour qu'il n'y ait pas d'interception. Le mouvement est mort et on va faire comme si Caldache avait mis fin à notre mouvement. Et Marcelo Caetano, de fait, s'en est convaincu. Nous avions bien conscience des sérieux risques que nous encourions, puisque le régime était un régime dictatorial et fasciste qui ne plaisantait pas avec ses opposants. Par le biais de sa police politique, les personnes étaient soumises aux pires sévices, et même à la mort. Au cours de la période où le mouvement existait dans la clandestinité, nous étions sur le qui-vive en permanence. Quand nous sortions clandestinement la nuit pour participer à des réunions, nos femmes nous attendaient anxieusement. Les capitaines d'avril, d'ailleurs, pendant longtemps, ont été connus comme les capitaines sans sommeil. Car tout ce processus a impliqué des tas et des tas de réunions jusqu'à l'aube, parfois. Nous avions juste le temps de passer à la maison prendre une douche, de foncer dans la voiture et de repartir pour la caserne. Les risques étaient sérieux. D'ailleurs, un des moments les plus difficiles que j'ai connus avant de me rendre au régiment, dans la nuit du 24 au 25 avril, a été lorsque je suis allé dire au revoir ou adieu à mon fils qui avait tout juste un an. Mais à partir du moment où nous avons pris la décision d'aller jusqu'au bout, de renverser le régime, notre détermination était telle que nous avions vraiment le sentiment que, advienne que pourra, il nous est impossible de reculer maintenant. Notre action doit aboutir. Lorsque je suis en train de préparer l'ordre des opérations et que j'ai besoin de quelqu'un pour passer un signal à la radio, je contacte João Paulo Diniz, qui après avoir terminé son service est devenu speaker professionnel à la radio. Nous sommes rendus à Apollo 70, un centre commercial près de Campo Pequeno où il nous attendait. Alors capitaine, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons faire une révolution et j'ai besoin de toi. Quoi? Vous rigolez? Non, je parle sérieusement, je vais faire une révolution cette semaine. Je vais lancer une opération militaire et j'ai besoin de toi. Mais pourquoi moi? Il était vraiment très embarrassé. Parce que tu es speaker et que j'ai besoin de tes services pour lancer un signal très important. Quand tu quitteras ton service, quand tu prendras congé de tes auditeurs, il faudrait que tu passes un disque qui serve de signal au mouvement. Une chanson qui n'éveille aucun soupçon vis-à-vis du régime. Dis-moi quelle chanson tu pourrais passer. Et il m'a dit, eh bien cela pourrait être... I Depois do Adeus, de Paolo de Carvalho, qui vient de gagner le concours, il y a peu de temps, au Festival de la Chanson. Très bien, c'est un très bon choix. Paolo de Carvalho, I Depois do Adeus. Entendu. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua Mais j'avais besoin d'un autre signal, de confirmation. Je voulais que ce soit une chanson engagée de Zeke Afonso, qui puisse porter un message, qui puisse être une source de motivation pour les gens qui l'écouteraient. Amigo maior que o pensamento, por essa estrada, amigo vem, traz outro amigo também, que era para ser mais chamativa. Je pensais bien à Amène ton ami aussi, ou alors Et 5 de plus, mais elles étaient interdites par la censure. Et c'est Carlos Albino, je crois bien, qui s'est souvenu de la chanson de Grandola Villa Morena. Et je me suis dit, formidable, le peuple est celui qui ordonne, c'est parfait. C'est ainsi qu'à minuit 20, le second signal a été lancé sur les ondes et tous mes camarades du nord au sud, de Porto à l'Algarve, ont su que l'opération était en cours depuis 11h du soir et que notre action était irréversible. Et j'étais avisé au régiment d'infanterie 14. Le régiment d'infanterie 14 avait pour responsabilité le commandement du groupement November, le groupement des forces le plus au nord du pays, qui avait pour mission de venir appuyer l'action à Lisbonne. La nuit du 23 au 24, à 11h05, je suis arrivé en sueur à la maison et ma femme m'a dit, mais enfin, à cette heure-ci, le dîner est déjà froid. Je lui ai dit, attends un peu. Il faut que j'aille d'abord écouter quelque chose à la radio. Au bout de quelques minutes, j'ai pu entendre le signal de Paulo Adeus de Paulo de Carvalho. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est le premier signal, tout se passe bien, c'est parti. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti. E a partir daí foi preparar-nos. Ensuite, une fois entendu le deuxième signal, Grandola, à minuit 20, nous nous sommes rendus au régiment. Il s'agissait de moi et de quatre autres capitaines. Nous sommes arrivés à 1h du matin à la caserne et nous sommes allés dans un premier temps réveiller les sous-officiers. Après leur avoir exposé notre intention et le mouvement dans lequel nous étions engagés, nous leur avons posé la question. Et la plupart de ces militaires nous ont répondu, très bien, nous avons confiance en vous, nous acceptons de participer et de vous suivre, nous restons à vos ordres. Mais au cours de la nuit, il y a eu une alerte au sein des forces affectées au régime. Et un peu avant 6 heures du matin, le commandant du régiment arrive à la porte d'armes et dit au sergent de service « Ouvrez donc le portail ». Le sergent lui répond « Mais mon commandant, je ne peux pas ouvrir le portail puisque je n'ai pas la clé ». « Mais qui a la clé ?»« Mais c'est notre capitaine Ramayo qui est rentré et qui m'a demandé la clé ». « Alors où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fout ?»« Je ne sais pas, il nous a donné des ordres. Personne ne doit rien faire sans ses ordres ». Alors va appeler le capitaine Ramayo. Je suis donc arrivé au portail. Moi, j'étais dans la caserne, lui dehors. Et il m'a dit, ouvre-moi ce portail que j'entre. Je lui ai dit, calme, restons calmes. Avant d'ouvrir le portail, il faut que nous parlions. Non, ouvre le portail, on parlera de l'intérieur. Écoutez, pour le moment, le commandant du régiment, c'est moi. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Moi, je peux vous reconnaître comme commandant du régiment si vous me donnez votre parole d'honneur de militaire que vous adhérez au mouvement des forces armées. Je tiens à vous dire que le régiment d'infanterie numéro 14 est engagé actuellement dans le mouvement des forces armées et que nous sommes déjà en train de nous acquitter de missions qui nous ont été assignées. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes complètement fou. Vous ne savez pas dans quel bordel vous vous mettez. Je lui ai répondu, écoutez, ce n'est pas la peine que nous soyons là, en train de tenir ces propos, car nous sommes tout à fait déterminés à mener notre action jusqu'aux dernières conséquences. Donc vous avez deux options. Soit vous êtes de notre côté, soit vous ne l'êtes pas. Il m'a regardé, il a compris que ce n'était pas la peine d'échanger davantage, et il m'a dit, dans ce cas, je reviens. Il est parti. On ne l'a plus jamais revu. On a tendance à penser comme ça a marché, que sur le moment tout a été très facile. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu tout de même des moments de tension. Mais à cet âge-là, et avec la vigueur de nos 30 ans, cette volonté qui était la nôtre de gagner a fini par nous aider à tout surmonter. Je crois que nous n'avons même pas eu peur. D'ailleurs, nous n'avons même pas eu le temps d'avoir peur. Do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Nós pedimos nos nossos comunicados para... Dans nos communiqués, nous avons demandé aux personnes de rester chez elles, de ne pas descendre dans la rue. Nous avons également demandé aux médecins de se rendre dans les hôpitaux, car nous étions inquiets qu'il puisse y avoir de la violence. Nous sommes des militaires et nous savons bien comment les choses se passent. Appelons pour l'esprit civique et professionnel de la classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração. Eu era oficial miliciano. J'étais sous-officier. Les militaires de l'école pratique de cavalerie qui ont participé à l'opération, qui s'appelait Opération Fin Régime, avaient tous entre 20 et 30 ans. J'ai eu le privilège d'intégrer la colonne militaire commandée par Salgueiro Maia, qui a quitté la ville de Santarém à 3 heures du matin, le 25 avril. Nous avons mis environ 3 heures et demie pour arriver jusqu'à Lisbonne. Notre mission, c'était d'occuper le Terreiro do Passo, les ministères et toutes les institutions importantes qui siégeaient. Nous sommes arrivés à Lisbonne vers 6h30 du matin. Le capitaine Salgueiro Maia a installé les troupes et nous avons occupé les ministères. Et à ce moment-là, nous avons vécu une situation compliquée, car nous nous sommes retrouvés dans un face-à-face avec les forces militaires affectées au régime. Et quand Salguero-Maia s'est avancé, les bras ouverts avec un mouchoir blanc, pour demander d'établir le dialogue, un officier général du régime, Junqueira do Reis, a donné l'ordre de tirer sur Salguero-Maia. Et à ce moment-là, un soldat, le soldat du char d'assaut chargé de tirer, s'est tourné vers son sous-lieutenant. Sous-lieutenant, qu'est-ce que je fais? Je tire. Tirez. Il aurait effectivement pu tirer. Et s'il avait ouvert le feu, la mairie de Lisbonne, car c'était un véritable canon, la mairie de Lisbonne aurait complètement été détruite. Et nous, on crevait tous sur place. Donc, je pense que là, il s'est agi du premier signe que le 25 avril était gagné. Car c'est un militaire de base, un simple soldat, qui a refusé d'obéir à l'ordre d'un officier général, ce qui était complètement impensable sous l'Ancien Régime. Não seja outro militarismo, pá. Agora. Uma forma de derrotar o capitalismo. Isto pode ser muito perigoso, pá, porque leva as pessoas atrás disto, pá, e agora as pessoas atrás disto, portanto, serem atapadas especialmente melhor, pá. No meio deste entusiasmo das pessoas, mais uma voz lúcida se fez ouvir. A voz lúcida deste jovem que disse: isto não seja outra vez uma forma de militarismo. É preciso as pessoas estarem atentas àquilo que se vai passar. Adino Gomes, vous étiez journaliste. Vous étiez journaliste avant le 25 avril 1974, et vous êtes ce jour-là sur le site, un des lieux d'action les plus importants du 25 avril. Comme tout citoyen de la ville de Lisbonne, j'ai été réveillé par un ami, un frère en l'occurrence, à 6h30 du matin, qui m'a dit « Lisbonne est assiégée et c'est pour aujourd'hui ». Et donc moi, comme des milliers d'habitants de Lisbonne, venus de l'autre rive du Tage, nous sommes descendus dans la rue. À l'époque, je travaillais dans une revue d'opposition qui s'appelait Seara Nova. Et deux ans auparavant, j'avais été interdit de travailler à la radio. Lorsque je me suis retrouvé au milieu de Terreiro do Passo, j'étais méfiant. Quelques mois avant, il y avait eu le 11 septembre 1973 au Chili. Le coup d'état de Pinochet, et nous avions encore en tête les images des chars blindés et des casques de la cavalerie. Alors quand j'ai vu les chars d'assaut et la cavalerie, je me suis demandé, est-ce que c'est un coup ou un contre-coup militaire? Et j'ai interpellé le premier photographe que j'ai vu. Mais ces types-là, ils sont de quel côté? Il m'a dit, je ne sais pas, mais pourquoi tu ne vas pas demander à ce capitaine-là qui commande les opérations? Mais qui est le capitaine? Ben ce type-là, qui s'appelle Maia. Mais attends, on était en classe ensemble à Leiria. Donc je suis allé rejoindre mon camarade Maia, qui pouvait très bien être d'un côté comme de l'autre. Et je lui ai demandé, Maia, de quel côté es-tu? Et il m'a répondu, et c'est une réponse qui définit bien la liberté, il m'a dit, mais c'est pas toi qui as eu un problème avec la censure? Vous imaginez cette réponse à ce moment-là? Je l'ai regardé et je lui ai dit, oui. Eh bien, nous sommes en train de faire ça pour que plus personne n'ait plus jamais à quitter le pays en raison de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, oh Maia, bravo. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé la journée à ses côtés à suivre les opérations. Capitão Maia, só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir. Sabes quem é que está dentro do quartel do Carmo neste momento? Há suposições que estará lá o Marcelo Caetano e portanto, o Américo Mas. Não? Pois, também. Vocês não entraram em contacto telefónico com eles? Quer dizer, não, como é que vão parlamentar? Vão falar pessoalmente ou vão tentar? Aparecerá um emissário em frente à porta. Quando é que eu começo a ser jornalista? Quando é que eu redeviens jornalista? Uma hora depois, quando... Une demi-heure plus tard, quand sont arrivés deux jeunes qui portaient en bandoulière un enregistreur. J'en connaissais un qui venait de Radio Renascença, la station de radio où j'avais travaillé, et je lui ai dit, écoute Paulo, tu veux bien que je fasse également un peu de reportage? Et là, j'ai vraiment cédé à la tentation. Je me suis emparé du micro qu'on me prêtait et pendant 7 heures, j'ai fait des reportages. Et vers midi, ce qui a commencé par un coup d'État avec des milliers de personnes qui étaient là dans la rue à crier, s'est vraiment transformé en une véritable révolution. Et alors, que s'est-il passé à partir de 7 heures du soir, lorsque le char d'assaut a quitté les lieux avec le Premier ministre, le président du Conseil des ministres et ses ministres détenus? Il s'est passé que les bons ont gagné. Le peuple applaudissait. Je n'avais jamais vu le peuple applaudir les militaires ainsi. Et les gens criaient les mots d'ordre les plus extraordinaires et avancés qui soient. De modo que isto é um pouco festa, eu diria que isto é um pouco surrealista, assim, à maneira portuguesa, não é? É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim, com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro. Normalement, dans votre reportage, on entend c'est une ambiance complètement surréelle. On est en train de vivre un moment surréaliste. Sim, lembro-me, porque para mim era essa a imagem. Oui, je m'en souviens parce que c'était l'image qui correspondait à la réalité. Ce qui se produisait maintenant était complètement inimaginable le matin lorsque je suis sortie de chez moi. À 11h du matin, quand les militaires ont quitté Cerro do Passo, les gens criaient déjà « Vive la liberté, abat le fascisme !» Et 20 minutes plus tard, lorsque nous sommes montés au Chiado, rien n'était gagné, mais les gens criaient déjà dans la rue « Abat la guerre coloniale, abat la guerre coloniale !» Et moi, en tant que reporter, moi, intermédiaire, moi, canal par lequel passaient tous ces événements, lorsque je disais « Et le peuple crie, abat la guerre coloniale », c'est ce que je souhaitais que le peuple crie. Mais quel bonheur! La place était remplie de gens qui criaient « Liberté, démocratie ». Nós tínhamos indicações. Et nous avions des consignes précises de la part de notre commandant pour éviter à tout prix un bain de sang. Et alors que tout était réglé, alors que le gouvernement s'était déjà rendu et était détenu dans un char d'assaut, vers 6h30 de l'après-midi, le 25 avril, la police politique, lapide, qui ne savait plus quoi faire, est monté sur les toits de la Rua Antonio Maria Cardoso, où se trouvait son siège, et s'est mise à tirer dans tous les sens sur la population. Et c'est là que 4 personnes sont mortes. C'est pour vous dire que le régime et sa police politique, même après que le gouvernement a été fait prisonnier et détenu, cette police politique a voulu se venger sur le peuple en faisant couler le sang et en tuant. Ceux qui ont résisté vraiment, c'est Lapide. Lapide qui a tiré sur 4 civils. D'ailleurs, ce sont les seuls morts du 25 avril. Car les militaires sont des militaires professionnels qui ont l'habitude de la guerre et connaissent bien l'effet des armes. Si des civils avaient pris les armes, il y aurait certainement eu beaucoup plus de morts et de blessés. De plus, notre mouvement est un mouvement très très bien organisé sur l'ensemble du pays. Et donc, rapidement, le pouvoir comprend qu'il ne s'agit pas de la révolte d'une seule unité militaire, mais de toutes les unités militaires, et n'a pas moyen de répondre. Au début, il essaye, mais n'arrive pas à surmonter la première difficulté, et à partir de là, il laisse tomber. Et puis les gens n'ont pas respecté l'appel que nous avions lancé, qui leur demandait de ne pas sortir et de rester chez eux. Ils sont sortis massivement dans les rues, et le régime a immédiatement compris qu'il était par conséquent complètement isolé. Marcelo Caetano et le président de la République, Américo Tomás, sont arrêtés et contraints à l'exil. Le mouvement des forces armées offre au général Spinola les clés du pouvoir sur un plateau. Lapide, la police politique, est démantelée au Portugal, et le 27 avril, les prisonniers politiques de Caxias et de Peniche sont libérés. Dans les jours qui suivent, de nombreux opposants en exil reviennent au Portugal. Le 1er mai en liberté, reste dans les mémoires collectives comme un des plus beaux jours du Portugal. Quant à la guerre coloniale, c'est une autre histoire. passado o mês, depois do 25 de abril, voltei para Moçambique. En ce qui me concerne, après le 25 avril, je suis parti au Mozambique avec le même bataillon que celui du 25 avril. Et j'y suis resté un peu plus d'une année. D'ailleurs, je n'ai rien fait pour ne pas retourner au Mozambique, puisqu'il fallait de toute façon remplacer des unités militaires qui étaient en train d'achever leur mandat. Si nous ne partions pas, eux ne pouvaient pas rentrer. Il s'agissait donc là d'une question de respect vis-à-vis de nos camarades. Et surtout, il ne fallait pas qu'on nous accuse, sous prétexte du 25 avril, d'être en train de nous défiler. D'autant que la situation politique n'était pas encore complètement réglée et le processus a d'ailleurs connu pas mal de nuances. Évidemment que les forces du fascisme. Il est évident que les forces du fascisme n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique. Notre programme politique reconnaissait clairement le droit à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples coloniaux. Or, le général Spinola, qui a été le premier président de la République portugaise après le 25 avril, l'a supprimé. Du coup, les mouvements de libération en Afrique ont intensifié la guerre, tandis que nous, militaires, nous ne voulions plus faire la guerre. Il nous a donc été bien difficile de continuer à motiver les soldats pour qu'ils restent sur le front. C'est ainsi que la guerre s'est poursuivie encore pendant 5 mois et a provoqué la mort de 400 militaires portugais de plus. Et tout cela par la faute du général Spinola. Une absurdité. Venha mais 5, dou uma sentada que eu pago já. De branco ou tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a ramar. De espada cinta, já creio que é rei da quinta alemã. C'était Portugal, avril 1974, voyage au cœur d'une révolution. Avec Carlos Machado Santos et José Pitera Santos, dit par Alexandre Hérault. Otelo Saraiva de Carvalho, par Rodolphe Congé. José Manuel Costa Neves, par Simon Bacouche. Aprigio Ramalho, par Didier Doué. Adelino Gomes, dit par Amélie Jallier. Manuel Martins Guerrero, dit par Simon Bacouche. Carlos Beato, dit par Didier Doué. Documentation, Stéphanie Place. Remerciements, Juan Bastos, José Neves, Margarida Silva, Manuel Martins Guerrero, Emmanuel Boulois, Françoise Cabane, Pedro Cerejo, Patricia Roman, Juan Baya et Chloé Siganos. Prise de son, Georges Thau et Benjamin Vignal. Mixage, Clotilde Thomas. Réalisation Anne Fleury. Un documentaire d'Elsa Corneva. Demain, la Fabrique de l'Histoire continue son exploration de cette révolution des œillets, mais aussi de ce qui l'a précédé. Nous vous proposerons une promenade au Portugal, à Lisbonne, sur la mémoire de cette révolution, mais également de la répression qui précédait cette révolution, la période salazariste. Une promenade dans le Lisbonne de l'époque, en compagnie d'historiens, d'anciens prisonniers politiques, mais également d'anciens capitaines d'Avril. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, et également laissez vos commentaires sur notre site.